Boum boum, vous êtes toujours sur Radio Cayenne. Et du coup, moi, je vais enchaîner en vous lisant un petit peu le compte-rendu du campement Passamontagna qui a eu lieu du coup eh bien, au mois de septembre, si je ne m'abuse. Et vous avez peut-être écouté nos podcasts pendant cette période sans émission. Et où du coup il y avait une lecture de l'appel à venir à ce campement, et donc je me suis dit, bah tiens, on n'aurait qu'à lire le compte rendu de cette petite semaine contre les frontières. Du coup, bien je lis ce compte rendu qui vient du site passamontagna.info. 5 jours de discussion, d'assemblée, d'initiative. 5 jours durant lesquels plus de 300 personnes venues de divers endroits d'Europe ont partagé leurs analyses, pratiques, réflexions et vécus. Nous nous sommes déplacés entre deux lieux frontaliers, Mélezais et Clavière, dans les Hautes-Alpes, un espace qui, comme toute frontière, divise, sélectionne et tue. Chaque jour, dans ces montagnes, des dizaines de personnes sont obligées de marcher des kilomètres, fuyant différentes polices et milices fascistes pour tenter d'arriver en France. Toute autre forme de déplacement leur est proscrite. Dans ces mêmes montagnes, en revanche, camions et trains de marchandises passent par centaines sous la protection des flics. Loin des sentiers caillouteux, on y trouve un tunnel aisément franchissable pour qui possède papier et argent. Des milliards y sont également dépensés en vue de construire la ligne à grande vitesse Lyon-Turin, la TAV. Dans la vallée de Suse, la vallée de Souza. La restructuration de ce territoire guidée par les intérêts économiques des riches contribue ainsi à accentuer la fracture déjà existante entre celles et ceux qui en bénéficient et celles et ceux qui la subissent. C'est parce que nous ne croyons pas en ce système de contrôle et de gestion, en ce dispositif constitué en tout lieu par des frontières sociales et économiques, que nous avons voulu prendre le temps de réfléchir ensemble sur la façon dont nous pouvions le combattre. En cette période historique, où de nouveaux fascismes émergent de toutes parts, où les différents gouvernements mettent en place des politiques sécuritaires et d'exclusion, où les rafles augmentent, ainsi que les détentions en centres de rétention administrative et la déportation des indésirables, nous avons ressenti le besoin de mieux nous organiser. Individus et collectifs, italiens, français, françaises, allemands, allemandes, suisses, Slovènes, Turcs, Espagnols, Grecs, etc., ont débattu sur plusieurs thèmes, les racines et les conséquences du système d'exclusion actuel, le concept de solidarité et d'accueil, les méthodes d'organisation et le rôle de la communication. Il a aussi été question de l'identité en général, administrative, territoriale et nationale, et de l'idée de s'identifier ou d'être identifié. Cela prenait d'autant plus de sens que pendant 2 jours, les routes d'accès au camping ont toutes été fermées par des barrages de flics. Et par la Digos, qui est la police politique italienne, lesquelles fichaient chaque personne contrôlée, prise d'identité, photo et fouille. Le vendredi 21 avait été prévu un cortège contre les frontières à Bardonecchia, une ville frontalière où sont refoulés ceux et celles qui tentent d'aller en France en train par le tunnel de Fréjus ou à pied sans les bons bouts de papier. Ce cortège voulait lutter contre le fait que marchandises et capitaux passent librement chaque barrière, là où les personnes sont en revanche sélectionnées et refoulées. Mais nous avons finalement annulé son organisation. La veille, le maire de Bardonecchia, Avato, avait pris le temps d'alarmer ses citoyens de la tenue de ce dangereux cortège contre les frontières. Il conseillait à tous et à toutes de rester chez elles et eux dans le but de faciliter au maximum les activités de contrôle des forces de police agissant sur le territoire, c'est-à-dire l'activité de 25 fourgons de policiers et de carabinieri, d'une dizaine de jeeps, de 2 canons à eau et de nombreux digos postés un peu partout. La ville de Bardonecchia était totalement militarisée et vidée de ses habitants habitantes. Tous les parkings étaient laissés libres pour le dispositif policier et les magasins fermés. 10 camions de la gendarmerie française étaient également postés de l'autre côté de la frontière, de peur que nous ne tentions de la franchir. Nous ne voulions pas tomber dans un jeu de mise en scène de la manifestation, pris en sandwich par toutes les polices présentes, sans réussir à bouger ni à parler avec quiconque dans une ville déserte. Nous n'avons pas voulu être les acteurs-actrices d'un théâtre inutile. Donc, nous avons décidé de ne pas y aller, et de ne pas faciliter leur jeu médiatique et politique. Nous nous déplaçons et attaquons quand nous le choisissons. Environ 70 personnes sont allées faire une promenade à Bardonecchia avec un mégaphone pour raconter la situation, suivie par de nombreuses forces policières. Toute la journée, la ville a été véritablement bloquée par les forces de police. Des sous, l'État en a dépensé. Pour rien, comme toujours, souvent. Le samedi 22, nous nous sommes déplacés en convoi jusqu'à Clavière, pour continuer le camping. Nous avons fait une pause à Oulx, je sais pas comment ça se prononce, une ville traversée par un TGV allant vers la France pour faire quelques interventions au mégaphone. Puis nous avons monté le campement. Clavière est juste sur la frontière. La police française vient jusqu'à l'entrée du village pour décharger les exilés capturés et faire des et la police fait des maraudes en continu sur les chemins et les routes qui mènent en France. C'est là que se trouve Chez Jésus, un lieu occupé, un refuge autogéré, ouvert en solidarité avec toutes les personnes de passage. Il s'agit de faire exister un espace pour celles et ceux qui veulent passer la frontière et ou qui luttent contre celle-ci. Nous connaissons bien les violences de la police sur les exilés de passage, menaces, vols, passage à tabac. Nous voulons combattre ce dispositif territorial qui permet aux riches de se promener librement entre ces espaces, tandis que les exilés sont chassés et poursuivis. Et d'ailleurs, pour info, depuis, Chez Jésus, ce refuge-là dont on parlait tout de suite, a été expulsé. Donc, je crois, la semaine dernière, par les flics. Voilà. Du coup, il reste le samedi 22. Alors, que s'est-il passé à Passamontagna le samedi 22? Le samedi 22, nous sommes allés faire une marche sur le terrain de golf. Ces 18 trous transfrontaliers, c'est dur à dire, traversés chaque jour par des dizaines de golfeurs. Pendant l'hiver, les mêmes terrains deviennent des pistes, empruntées par des centaines de skieurs qui ne s'aperçoivent même pas qu'ils traversent cette ligne imaginaire nommée frontière. Le terrain de golf est divisé en deux. Le côté italien appartient à la famille Lavazza, propriétaire d'une multinationale de café, ça vous dit sûrement quelque chose, et qui a créé son empire grâce à l'exploitation des ressources humaines et environnementales des anciennes, entre guillemets, colonies d'Amérique du Sud et d'Afrique du Nord. Le côté français est géré par la commune de Montgenève. Pour réaffirmer la liberté de chacun chacune de se déplacer et de vivre où et comme il le veut, et l'opposition à ces multinationales qui s'enrichissent partout sur la planète, exploitant des territoires que les personnes se trouvent obligées de fuir, le samedi 22, quelques centaines de personnes ont occupé une partie du terrain de golf. Ces espaces réservés aux riches sont alors devenus le terrain de sport populaire. Matchs de foot, rugby, volleyball et frisbee se sont déroulés pendant quelques heures, accompagnés par de la musique improvisée. La police française s'est déployée sur les chemins et sur le terrain pour nous empêcher de continuer la marche, balançant des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. La police italienne, carrément équipée d'un camion à eau, était déployée en contrebas afin de protéger ces terrains. Chaque fois que les intérêts des plus riches sont effleurés, les médias de masse se mettent en action, utilisant la puissance dont ils disposent pour déformer la réalité, jetant l'opprobre sur les potentielles menaces afin de les éliminer. Dans ces montagnes, la stratégie visant à construire une représentation de l'ennemi, et c'est exactement selon cette stratégie que la violence des personnes en costard-cravate, blanc qui plus est, condamne à la misère des dizaines de milliers de personnes et dévaste par la monoculture et l'usage de pesticides des zones entières de la planète. La violence de ces costumes et uniformes qui chassent et poursuivent celles et ceux qui tentent de continuer leur voyage passe au second plan par rapport à l'action de quelques centaines de personnes qui essayent de rendre manifeste et de combattre ces contradictions inacceptables. Les morceaux de terre enlevés à ce terrain sont tachés du sang des deux garçons et de la fille qui ont perdu la vie sur ces chemins au cours des derniers mois en tentant de poursuivre leur voyage. Samedi soir, nous avons fait la fête. Et dimanche, un bilan a été effectué avant la fermeture du camping. La police française s'est engagée dans le fichage de toutes les personnes qui traversaient la frontière jusqu'à mettre en garde à vue deux personnes pour toute une journée. La solidarité ne s'arrête pas. La lutte contre les dispositifs aux frontières non plus. Voilà, c'était donc un résumé du camp itinérant Passamontagna réalisé par quelques participants, participantes